Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. 5420. On va parler d'abord de la NCAA avec notre ami Hugues Fouché. On va parler également de la NFL. Salut Hugues! Salut, ça va bien? Ça va bien évidemment Hugues. Je te souhaite une belle action de grâce pour commencer. Et bon congé. Donc, et repose-toi bien à cette journée. Merci, toi aussi. Oui. Hugues, on va commencer par d'abord la NCAA. Il y a eu quelques surprises en fin de semaine, encore une fois. La plus grosse, c'est Texas A&M qui a battu la Floride 41-38 dans un excellent match. Texas A&M qui était 21e et la Floride 4e. Oui, peut-être le meilleur match de la fin de semaine, NFL, puis collégial confondu, c'était tout un match. Moi, Floride, c'était une de mes... peut-être une équipe qui a une chance, ils ont encore une chance là, de se glisser dans les séries de la NCAA. Très bonne équipe de football, mais Texas A&M ont été assez incroyables. Et puis, le corps arrière, Kellen Mond, a joué probablement son meilleur match en carrière. S'il jouait toujours comme il l'a fait samedi, on parlerait probablement là, d'un choix de première ronde. Il a été fantastique. Il a dominé avec son bras. Très précis dans ses passes, des bonnes décisions. Il a été vraiment solide. Mais il ne joue pas toujours comme ça. Par contre, il a un excellent début de saison. J'ai hâte de voir la suite pour lui. C'est certainement là quand on va parler de repêchage, si ce gars-là sort dans les rondes 2 à 4 ou 2 à 5, là, ça pourrait être un vol au repêchage. Il y a beaucoup de potentiel et là, il a vraiment bien joué. Ça a vraiment été le joueur clé dans ce match-là. Mais Texas A&M, tout un club de football, et là, sont 2-1, tout comme Floride. Très bon match. Meilleur match de la fin de semaine. Effectivement. L'autre grosse surprise, c'est Missouri qui n'était même pas classé dans le top 25. Qui est allé battre LSU à bâton rouge. Deuxième défaite de LSU à bâton rouge. Et en carrière de première année, qui s'est fait un nom, Connor Basilak pour Missouri. 4 passes de tout. Oui, tout à fait. Écoute, une victoire surprise, surtout que Missouri n'avait pas nécessairement très bien joué jusqu'à maintenant. C'est leur première victoire. Et on s'attendait pas. C'est leur deuxième défaite aussi. Là. Et Missouri, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose non plus cette année. Ce n'est pas une équipe de top 25. Non. Et non. Ils ne sont toujours pas, d'ailleurs, au moment où on se parle. Mais là, c'est sûr que c'est une grosse victoire. Puis effectivement, ils ont un jeune carrière, 406 verges par la passe, 4 passes de toucher là, qu'on va garder à l'œil. De l'autre côté, du côté de LSU, Miles Brennan n'a pas mal joué, mais on sent que c'est pas la même équipe. Ils ont perdu tellement de joueurs à LSU que je pense que simplement peut-être que nos attentes en début de saison étaient trop élevées pour cette équipe-là. De là se faire battre contre Missouri, ça m'a vraiment surpris. Surtout à bâton rouge aussi, là, ça aussi c'est surprenant. Là. OK, on va y aller avec le match de la fin de semaine que j'avais qualifié. Wallet avait dit que c'était fallait pas s'attendre à grand-chose. C'était le meilleur match, pareil, de la fin de semaine qu'on disait, qu'on pensait que c'était vendredi lorsque j'ai fait la chronique avec Wallet. C'est Clemson qui a battu outrageusement Miami 42-17. Hey, ils sont dans une classe à part, Clemson. Ouais. Ils sont tellement forts. Puis, si je te dirais qu'en première demi... la défensive de Miami donnait l'impression de vouloir se battre, mais l'attaque de Miami n'était pas capable de rester sur le terrain. Et la défensive de Clemson est trop forte. Alors, Clemson, là, il va falloir attendre qu'ils affrontent Alabama ou Georgia ou Ohio State là, quand la saison du Big Ten va commencer dans les séries, parce qu'à part ça, je pense que personne va leur faire un match. Ils sont trop forts. Puis, En plus, ils ont Trevor Lawrence. Alors, je pense qu'on leur donnera pas, on leur concédera pas le championnat national trop vite, là, mais ils vont être difficiles à battre. Okay. Très bon. On va y aller maintenant. On va sauter à pied levé sur la NFL. Ce qui s'est passé en fin de semaine, écoute, c'était la blessure de Dak Prescott qui fait réagir, qui fait parler beaucoup aujourd'hui. Écoute, saison terminée. Peut-être même carrière terminée également dans le cas de Dak Prescott. Moi, je salue RDS qui n'a pas mis à montrer les images, hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Oui, écoute, c'était pas beau à voir, hein? Ben, moi, je l'ai pas vu. Moi, je regardais ça à RDS. Puis quand RDS, on dit, on vous montre pas les images parce que c'est pas beau, regarde, j'ai pas été... c'est pas des images qui m'attirent bien, ça. Non, effectivement. Moi, je l'ai juste vu en temps réel, là, mais après, on n'a pas vu les... Puis effectivement, écoute, c'est pas des images qui sont belles à voir. C'est correct de pas les avoir vues, mais c'est vraiment triste. Surtout que Prescott était à la recherche d'un contrat à long terme, là. Alors, ça peut pas plus mal tomber pour lui. Il va perdre beaucoup d'argent avec ça. Peut-être son poste avec les Cowboys aussi. Donc, c'est triste de tous les côtés. Pour Prescott, par contre, écoute, les Cowboys sont premiers de leur division ce matin, ce qui n'a pas de bon sens à 2-3, mais c'est ça quand même. Ils ont quand même le premier rang de leur division, puis ils ont un corps arrière qui est quand même capable en Andy Dalton. Là. Ça pourrait être pire que ça. Alors, c'est un drame pour Dak Prescott. Par contre, les Cowboys sont pas... ils vont peut-être que ça va les forcer au niveau strictement football là, à revenir à leur formule de plus de courses au sol. Plus de peut-être plus d'Ezekiel Elliott puis un petit peu moins de jeu par la passe qui serait peut-être pas mauvais dans leur cas. OK, effectivement. Donc, surveiller. Et la grosse surprise également hier, c'est les Raiders qui sont allés battre les Chiefs de Kansas City à Kansas City. Ça, on peut le dire que c'est une grosse surprise. Ça. OK, écoute, quel match des Raiders, hein? Est-ce qu'ils ont bien joué les Raiders dans ce match-là? Incroyable! Ils ont rien donné aux Chiefs en deuxième demi. Pat Mahomes a été incapable de faire quoi que ce soit. C'était assez incroyable. Et puis, j'ai lu un commentaire sur Internet, là, que j'ai trouvé comme quoi John Gruden a encore de bonnes années à donner à la NFL. Effectivement, hier, son plan de match était génial. Les joueurs ont exécuté. Puis, écoute, j'ai la grosse surprise de la fin de semaine. On s'attendait vraiment pas à ça. Derek Carr a été super bon hier en passant. Il s'est permis de lancer dans les zones profondes un peu plus, puis ça a fonctionné. Ouais. Donc, c'est une belle victoire des Raiders. Ça va mettre les Chiefs en. Ça va rassurer les Chiefs à quelque part aussi. Là. Oui. Hier, juste pour te dire, Mahomes était à la poursuite de deux records qu'il n'y aura pas à cause de ça. Le premier, c'était de lancer de multiples passes de toucher sans interception dans un cinquième match d'affilée. Ça aurait été un record. Hier, il a lancé une interception. Et l'autre, c'était en début de carrière, Mahomes était 13-1 à l'intérieur de cette division. Okay. Et s'il avait gagné ce match-là, et pour les 15 premiers matchs, il devenait le meilleur fiche en carrière, qui aurait été 14-1 devant Andrew Luck. Et devant Kurt Warner, et finalement, il va être à égalité. Là, il va être 13-2 comme Andrew Luck et Kurt Warner. Mais il faut le souligner, là, ça, c'était une occasion quand même pour Mahomes. Mais les Raiders ont vraiment été super bons. OK. Indianapolis, on disait que c'était un test pour les Browns de Cleveland. Les Browns qui ont bien joué en défaisant les Colts d'Indianapolis. Qui n'ont pas vraiment été le... Dans le match. Ils ont été dans le match un bout de temps, mais ils n'ont pas été vraiment menacés. Non. Deux choses. La première, c'est Philip Rivers, c'est vraiment inquiétant de le voir jouer comme ça. Beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si c'est de mon avis, là, Danny, mais je vais te dire une chose. Là, les passes à l'extérieur des traits assurés, là, c'était pénible. On dirait qu'il n'y a plus de bras pour être capable de lancer ces passes-là. C'était triste de le voir aussi mal jouer. Et puis, je te dirais qu'au niveau des Browns, parce qu'ils sont dans la même division que les Ravens et les Steelers, c'est un match qu'ils devaient absolument gagner. Hey, ça va-tu être bon? C'est une série incroyable. C'est une saison incroyable. Ouais. Pas une saison, mais une division incroyable avec les Browns, les Ravens, les Steelers qui sont de retour. On va dire une affaire, oui. Ça va être, c'est probablement la division à l'heure actuelle la plus forte de la NFL. Je suis d'accord avec toi. Puis pour les Browns, c'est sûr qu'on admet une série, une équipe de plus en série. Il va y avoir trois wildcards. Ouais. Mais c'est sûr de te qualifier quand tu as deux équipes aussi fortes que ça dans ta division parce que tu dois les affronter deux fois par année chacune. Ouais. Alors, ça va être dur pour les Browns. Ils devaient gagner ce match-là, ils l'ont fait. Les Colts viennent peut-être un peu de sortir du portrait des séries avec cette défaite. Ouais. C'est pas de mauvais. Les Colts, c'est juste pour te dire, ils avaient la meilleure défense de la Ligue avant le match. Ouais. 14 points accordés, mais on disait, faites attention, ils ont rien affronté. Et puis là, leur défensive, on a vu que c'est pas une si bonne défensive que c'est correct, là, mais ça fait pas partie de l'élite de la Ligue. Hier, ils se sont fait peu marcher dessus par les Browns. Ouais, effectivement. Minnesota qui a donné du gros fil à retard à Seattle dans le cadre du Sunday Night Football. Oui. J'aime des fois sur Internet, j'aime ça écrire des quotes de ma blonde quand elle écoute le football parce qu'elle dit souvent des affaires. Et puis elle me disait, quand j'ai commencé à écouter le football, j'avais l'impression, parce qu'elle écoutait beaucoup les matchs des Patriots, elle dit, j'avais l'impression, moi, que tous les corps arrière étaient capables de gagner des matchs au quatrième quart, tu sais, puis que c'était normal parce qu'elle voyait jouer Tom Brady. Puis, tu sais, elle se disait, pour elle, c'était normal de voir un corps arrière perdre par 10 points puis gagner le match en fin de match. Mais c'est pas normal. Puis, moi, j'ai toujours pensé que un grand corps arrière, ce qui fait la différence entre un grand corps arrière puis un bon corps arrière, là, c'est pas les statistiques. Puis c'est pas avancé ou c'est pas ça. C'est qu'il faut que le gars fasse la différence dans les moments, dans les matchs qui sont sur la ligne. Est-ce que Russell Wilson est un grand corps arrière, là, sans aucun doute? Encore hier, je veux dire, la dernière drive, là, dis-moi, honnêtement, Danny, là, quand les Seahawks étaient rendus dans le territoire des Vikings, est-ce que tu as douté un seul instant de la. T'as pas vu? Non. Je peux te dire une chose, à la fin du match, quand les Seahawks remontaient le terrain, on savait comment c'était pour se terminer, dans zone début avec un toucher, puis c'est ce qui est arrivé, parce que Russell Wilson, dans ces circonstances-là, il est incroyable. Et les Vikings ont joué un match là excellent, ils en ont donné pour leur argent aux Seahawks, mais à la fin, Wilson a fait la différence, il a fait gagner son équipe. Et puis c'est ce qui fait que effectivement là c'est un peu comme Mahomes est capable de le faire aussi là dans les grandes circonstances, peut-être pas hier mais Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees, c'est ça les plus grands, c'est les plus grands cas. C'est sûr que Tom Brady est probablement le plus grand pour faire ça. Mais c'est là qu'on démarque les grands carrières. Le premier grand carrière qui a fait ça, c'est Bradshaw, hein? Bradshaw et Joe Montana d'ailleurs. C'est vrai. Oui. Absolument. Montana était incroyable dans ces moments-là. Ouais. Je veux dire que Russell Wilson, là, je sais qu'il a fait une gaffe au Super Bowl contre les Patriots, mais à part ça, là, dans sa carrière, dans c'est les matchs sérieux. C'est lui ou c'est Carroll qui a fait ça? C'est Pete Carroll. D'ailleurs, tu m'ouvres la porte. Est-ce que tu es surpris que Pete Carroll, ça ne l'a pas suivi plus que ça? Je te dirais oui. T'sais, mais en c'est même incroyable. Temps. Ben, puis Carroll, comment. Tu sais, il y a des. Je vais faire l'exemple du hockey. Mark Crawford, on en parle encore, qui a boudé Gretzky lors des. À Nagano. Tout le monde pensait dans le stade remettre à Marshall Lynch. Et moi, je t'ai dit, ça va suivre jusqu'à la fin de sa carrière. Et on n'en parle pas tant que ça, de cette décision-là. Non, t'as raison. Écoute, tu me fais réaliser ça. J'avais jamais pensé de cette façon-là, mais c'est vrai que ça. C'est-tu parce que c'est un bon gars, je pense que tout le monde aime Pete Carroll, mais le fait d'être un bon gars, ça n'empêche pas qu'il s'est vraiment trompé cette fois-là. Ah, puis ça devrait non, il gagnait le match, là. Il n'y avait pas de. Puis tout le monde sait que Lynch aurait marqué la défensive des Patriots et était plus capable. C'est que. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai que ça ne le suit pas beaucoup. C'est vrai que les Seahawks ont continué d'avoir des bons résultats après ce match-là, mais ça devrait quand même le suivre plus que ça. Parce que ça a vraiment coûté un Super Bowl à son équipe. Mais non, regarde, on en parle encore de Mike Crawford, de Gretzky à Nagano. Fait que, oui. Tu sais pourquoi que je dis. Hey, Dan Quinn a été congédié. Oui. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Cette organisation-là ne s'est jamais relevée de cette victoire-là, de cette défaite contre les Pats au Super Bowl. Ça déçu encore, fait. Hein? Oui, tout à fait. Et absolument. Et ça, honnêtement, quand on parle de décision qui ne suit pas un entraîneur, là, qui suit un entraîneur dans ce match-là, à la fin du match, là, rappelle-toi que les Falcons étaient en position de réussir le placement qui aurait mis fin à toute chance des Patriots de revenir. Ouais. Ça aurait porté le match à 2 scores, puis au lieu... il était à peu près à la ligne de 20. Au lieu de courir avec le ballon, ils ont passé le ballon. Matt Ryan a pris un sac. Après ça, ils ont pris une punition. Puis finalement, ils n'ont jamais pu faire le placement qu'ils auraient pu mettre. Ça, tant qu'à moi, c'est la pire décision que j'ai jamais vue de ma vie. Là. Ouais. Le match était fini. Là. Il y avait pas. Et effectivement, suite à cette... Dan Quinn s'en est pas remis. Les Falcons n'ont plus jamais été dans le coup après ça. Et puis, non, je pense que c'est une... Écoute, honnêtement, on s'entend que le pire coach de la NFL, c'est Adam Gase, c'est pas Dan Quinn. Mais il y a peut-être plus urgent de sauver la situation à Atlanta que ça l'est avec les Jets. Parce que les Jets, de toute façon, là, on s'entend qu'il y a rien à faire avec ça cette année. Sauf aller chercher le premier choix, peut-être. Mais du côté des Falcons, ils ont quand même... une équipe valable, là, c'est pas. Ils ont été dans tous les matchs, ça a été serré. Alors, il faut replacer ça, là, puis je pense que c'est une bonne. On va suivre dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer, mais c'est peut-être une décision qu'ils auraient dû prendre avant le début de la saison, mais ils n'ont pas osé le faire. Effectivement. Hugues, très intéressant comme toujours. On se reparle lundi prochain avec le bilan. Il y a une grosse. Je regardais rapidement le calendrier la semaine prochaine. Il y a des matchs incroyables. Cette semaine, ça n'a pas été des matchs. Ça n'a pas été une semaine tellement excitante. Juste avant, je vais te dire les matchs. Il y a Green Bay qui est à Tampa. Trop intéressant. Ouais. Et la semaine prochaine, si COVID ne s'invite pas encore, il y aura je pense que ce sera les Chiefs qui vont être à Buffalo. Dans le cadre du Monday Night Football. Donc, les Texans contre les Titans, ça risque d'être excellent également. Non, excusez-moi, je l'ai échappé celle-là. Cleveland à Pittsburgh, ça va être excellent. Ça va être incroyable, oui. C'est un match déjà important pour les séries, là, pour cette division-là. Oui, puis un autre match important, il ne faut pas l'oublier, le meilleur match de la semaine, probablement, là. C'est mardi entre les Titans, puis encore là, si la COVID ne s'invite pas. Là, le matin, je voyais une nouvelle comme de quoi qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas eu de nouveaux tests positifs dans le cas des Pats et dans le cas des Titans. Ça, c'est une bonne nouvelle en fait. Là. Très bonne nouvelle. Et puis les Titans contre les Bills, ça n'a pas manqué. Ça va être un excellent. Je ne sais pas si le match va être bon parce que les Titans ont vécu l'enfer depuis 2 semaines. Est-ce qu'ils vont être vraiment prêts à jouer ce match-là? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'au niveau strictement sur papier, là, c'est deux des bonnes équipes de la NFL. Là, ça va être un match assez fantastique. Moi, j'ai hâte de voir. On n'arrête pas de dire, Danny, que les Bills sont bons, mais que la prochaine étape pour eux, c'est de gagner les gros matchs. Et savoir comment gagner. Oui, savoir comment gagner les gros matchs. Et là, contre les Titans, c'en est un. Puis il faut que Josh Allen... là. Fasse comme Russell Wilson a fait hier soir, puis connaissent un match à la hauteur. Moi, je pense que les Bills peuvent le faire. Ils ont une très, très bonne équipe. OK. Hugues, on se reparle lundi prochain. Oui, c'est excellent. La perspective de la NCAA et de la NFL avec Hugues Fouché.